Quel est le point commun entre la détection des ondes gravitationnelles, une opération de la cornée, de l'usinage de plaques de tôle, la fibre optique et Luke Skywalker? Eh bien, ils ont tous recours, de diverses manières certes, mais à la technologie laser pour des usages évidemment bien distincts et des usages qui n'ont cessé de se diversifier en 50 ans en gagnant à la fois en précision et en puissance, à tel point qu'aujourd'hui, la technique de l'impulsion laser permet de déployer une telle énergie dans un temps infinitésimal que le prochain modèle en cours de construction par des laboratoires chinois devrait permettre de déchirer le vide, à savoir de séparer un couple particule-antiparticule quantique avant qu'il ne s'annihile lui-même. Le laser, la lumière, à tout faire, c'est le problème que nous allons tenter de résoudre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ces technologies laser, de son histoire et puis de ses applications aujourd'hui dans le domaine de la recherche fondamentale, nous avons le plaisir de recevoir Fabien Breitnacker. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche CNRS, professeur attaché à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, professeur chargé de cours à l'École polytechnique. Vous avez coordonné l'ouvrage Le laser, 50 ans de découverte. C'est aux éditions EDP Sciences. Et bonjour Fabien Quéré. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche au CEA, au Commissariat à l'énergie atomique, au laboratoire Interaction dynamique et laser. Vous pouvez suivre cette émission comme chaque jour sur les ondes de France Culture ainsi que sur notre fil Twitter @laméthodefc. La France possède un nouveau recordman du monde. Il s'agit d'un laser dont le rayon atteint une puissance de 300 watts, lui permettant de fondre les corps les plus réfractaires. Ce laser, construit par la Compagnie Générale d'Électricité à son centre de Marcoussis, émet un rayon invisible car il se situe dans l'infrarouge. L'appareil se compose d'un tube de 3 mètres de long, rempli d'un mélange gazeux, d'azote et de gaz carbonique. Deux miroirs ferment le tube. Lorsqu'on applique une tension de 15 000 volts, le rayon laser jaillit. Le gaz contenu dans le tube devient alors fluorescent. Ce nouvel appareil, baptisé laser moléculaire, permet d'obtenir un rayon très puissant de façon continue. Quelles applications peut servir un tel appareil ? Il y a trois applications évidentes de ce laser. Tout d'abord, la soudure de matériaux même ayant une température de fusion extrêmement élevée. Ensuite, les fusions de réfractaires ou la fabrication de cristaux synthétiques, par exemple. Et ensuite, les télécommunications, puisque la longueur d'onde de ce laser, qui est de 10 microns 6, se trouve dans une fenêtre de propagation atmosphérique. Et on peut envisager des transmissions à très grande distance dans l'atmosphère et évidemment à l'extérieur. Tout d'un coup, en moins d'un an, on est passé du watt à la centaine de watts. Où allez-vous vous arrêter ? Eh bien, je n'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est que nous ne voyons pas actuellement de limite théorique à l'augmentation de cette puissance. Il est possible qu'il y ait des limites pratiques dans la fabrication de, notamment des miroirs, qui sont quand même des surfaces assez fragiles, ou dans les dimensions des lasers, mais il semble que l'on puisse avoir des puissances bien supérieures à ce qu'on obtient actuellement. Mais si vous obtenez ces puissances bien supérieures, alors le rayon laser devient réellement une arme possible. Eh bien, oui, ou du moins il se rapproche effectivement de ce qu'on a pu appeler la rayon de la mort, si vous voulez. C'est ça. Vous n'osez plus dire que c'est de la science-fiction. Il doit quand même être considéré comme un point futuriste pour l'instant. Et voyons, le futur, nous y sommes aujourd'hui, 52 ans après, en 2018, puisque cette archive date du 3 février 1966. Et comme vous venez de l'entendre, eh bien, la France est à la pointe de la technologie laser. On est passé en quelques années du watt à la centaine de watts. Vous allez voir qu'aujourd'hui, on a multiplié un peu, on a rajouté quelques zéros derrière. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Fabien Breitnacker? Ben, c'est assez drôle parce que, donc, en fait, les puissances qu'ils évoquent, qui sont de quelques centaines de watts, sont pas ridicules même par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, à condition de parler de laser continu. Parce que là, il s'agit de laser continu, donc des lasers qui émettent en permanence. Et les gros coups de pub dont on entend parler aujourd'hui, des lasers pétawatts et tout ça, ce sont des lasers qui émettent pendant des durées extrêmement courtes, des millionièmes de milliardièmes de secondes. Donc en fait, oui, des femtosecondes, voilà, 10 puissance moins 15 secondes. On en parlera. Donc en fait, c'est à la fois vieux, mais à la fois d'actualité, ce qu'on a entendu. Fabien Quéré, votre réaction à cette archive de 1966? Oui, alors moi je suis aussi frappé de constater que c'est effectivement pas mal d'actualité. Il parle des lasers CO2 qui sont encore des lasers très utilisés aujourd'hui pour les applications qui sont mentionnées, la soudure laser, la découpe. Donc effectivement ça a plutôt bien vieilli comme. On entend tout de même quelque chose d'intéressant, c'est qu'on entend dire que a priori, et vous aviez l'air surpris en écoutant cette partie-là, qu'il n'y a pas a priori dès 1966 pas de limite supérieure à la puissance que l'on peut développer sur un laser. Oui, alors effectivement j'ai souri quand il a dit ça parce que il y a quand même aujourd'hui on sait qu'il y a quand même des limites, mais en fait il les identifie assez bien après puisqu'il parle de l'endommagement des miroirs, la taille des faisceaux. Et c'est typiquement le genre de limite qu'on commence à rencontrer aujourd'hui avec les très gros lasers. Dont on va parler dans un instant, Fabien Breitnacker, sur on commence à atteindre en tout cas un plafond, ou en tout cas le développement exponentiel de la puissance des lasers commence à arriver effectivement à son plafond supérieur. Oui, mais les limites, comme le disait Fabien, sont avant tout technologiques. C'est-à-dire qu'il faut avoir, quand on a des puissances aussi fortes, il faut pouvoir les manipuler, il faut pouvoir les réfléchir, il faut pouvoir les focaliser, il faut pouvoir les amplifier. Et il arrive un moment où on détruit tout ce que touche le faisceau. Et donc c'est ça le genre de limite auquel on arrive. Alors avant de revenir à ces limites et à ces puissances colossales qui peuvent être développées maintenant par des lasers à impulsion, peut-être qu'on peut revenir à l'origine. Qu'est-ce que c'est qu'un laser? C'est un acronyme certes, mais qu'est-ce que c'est à l'origine, Fabien Breitnacker? Alors en fait, le laser, l'histoire remonte traditionnellement à 1917. Quand Einstein a introduit un mécanisme d'interaction entre la matière et la lumière, qu'on appelle maintenant l'émission stimulée, et que lui appelait l'émission induite, en fait Einstein a montré que, à l'époque on savait que la lumière pouvait être absorbée par les matériaux, on savait que quand on excitait de la matière, elle était capable d'émettre de la lumière de façon spontanée, mais il a montré qu'il y avait un troisième mécanisme qui permettait à partir d'atomes excités d'amplifier la lumière, donc de créer vraiment une amplification de la lumière. Et cette découverte qu'Einstein a faite quand même avant le développement de la mécanique quantique, donc sur des bases purement thermodynamiques, c'est assez remarquable. Elle est restée un petit peu une curiosité pour les physiciens jusque dans les années 1950, à la sortie de la guerre, après le développement des technologies radar. Donc il y a un certain nombre de gens, notamment aux États-Unis, qui se sont demandé comment augmenter la puissance et diminuer la longueur d'onde des émetteurs de micro-ondes. Donc notamment, il y a un homme qui s'appelait Charles Townes, qui travaillait à l'université de Columbia à New York, qui a participé à un groupe de travail pour essayer de développer des sources à des longueurs d'onde submillimétriques. On est en 1958, hein. On est avant, parce que là, je suis en train de parler du laser, avant le laser. Et donc, l'idée qu'il a utilisée, cet homme-là, c'était d'utiliser des molécules qui avaient des transitions dans le domaine micro-ondes. Et l'avantage de ces molécules, c'est que elles peuvent être dans différents niveaux moléculaires, à différents niveaux d'excitation, et on peut quasiment les trier à la main. C'est-à-dire que quasiment à la main, à partir d'un jet moléculaire, on peut garder uniquement les molécules qui sont dans le niveau excité, donc celles qui vont pouvoir amplifier le rayonnement. Et donc en injectant ces molécules dans une cavité, une boîte qui maintient les micro-ondes sur place, eh bien on parvient à faire un oscillateur pour les micro-ondes. Et ça, c'était le Maser 1954. 54, c'est ça. Voilà. Et il a fallu encore 6 ans pour comprendre comment, technologiquement, on pouvait diminuer la longueur d'onde de cet émetteur pour émettre non plus des micro-ondes, mais du rayonnement aux longueurs d'onde optiques. Et c'est ça qui est devenu le laser. Donc l'idée a émergé en 1958, et la première réalisation... Toujours par Charles Townes et son beau-frère Archolo. Le fameux. Voilà. Et la première démonstration expérimentale a été réalisée en 1960, en Californie, par Ted Mayman. L'histoire est résumée, Fabien Quéré. Qu'ajouter à cette histoire que vient de condenser brillamment Fabien Breitnacker? Disons, on peut ajouter qu'ils ont reçu le prix Nobel quand même 1964 pour l'invention du principe du laser, qui a récompensé Townes, Prokhorov et Bazov. Il y avait plusieurs groupes à l'époque qui travaillaient sur ces idées. Elles ont émergé plus ou moins au même moment à différents endroits. Donc Bazov et Prokhorov étaient en Russie. Et Townes était aux États-Unis. Voilà, donc ils ont reçu conjointement le prix Nobel 1964 pour la description théorique du principe du laser. Et par contre, le premier laser qui a vraiment fonctionné, c'est par Mayman, donc Théodore Mayman. En 1960. Un laser optique à rubis. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer synthétiquement comment ça fonctionne, ce laser optique à rubis? Parce que l'histoire veut qu'il l'ait mis, ce maser optique, puisque c'était encore un maser, qu'il l'ait mis un peu en œuvre dans un petit laboratoire de façon quasiment artisanale, quoi. Oui, alors, disons. Bon, pour décrire ce laser, il faut déjà bien comprendre le principe du laser en général. Moi, ce que je trouve intéressant à expliquer, c'est que finalement, sous le mot laser, il y a trois significations qui se cachent un peu. Il y a l'effet physique, qui correspond à l'acronyme. Et donc, l'effet physique, c'est le fait que on peut mettre de la matière dans un état tel qu'elle va amplifier de la lumière. Habituellement, quand on fait passer de la lumière à travers de la matière, elle est absorbée ou diffusée, son intensité est réduite. Et là, en fait, on peut la préparer dans un état tel que ça va amplifier. Donc ça correspond à l'acronyme, amplification de la lumière par émission stimulée de radiation. Donc ça, c'est le premier sens, que les gens connaissent assez peu, je pense, globalement. Après, il y a le deuxième sens, c'est finalement le dispositif physique, dispositif technique, qui permet d'avoir l'effet laser. Et donc là, on a un milieu amplificateur, qui est contenu dans une boucle de rétroaction. C'est-à-dire qu'on va faire circuler la lumière indéfiniment entre deux miroirs, et à chaque passage, au milieu, on met le milieu amplificateur, et à chaque passage, la lumière gagne en intensité. D'accord ? Et donc, voilà, ça c'est le dispositif laser. Et puis, il y a un troisième sens au mot laser, qui est probablement le mieux identifié par les gens, c'est un faisceau de lumière très intense, directionnel, avec souvent une couleur bien précise. Et donc voilà, c'est ce qu'on appelle le faisceau laser. Voilà. Le dispositif qui a été conçu par Meman, il a les ingrédients clés d'un laser, un milieu amplificateur, qui était un cristal donc, de rubis, donc en fait c'est de l'alumine dopé avec des ions chrome, situé entre deux miroirs. Alors là, je crois que dans le cas de Meman, c'était les extrémités de ce barreau, donc c'était un bout de verre, hein, en fait, qui était traité avec un traitement métallique pour être réfléchissante. Il fallait préparer l'état pour le système pour qu'il amplifie la lumière. Donc, pour ça, il faut apporter de l'énergie. Dans le cas de Meman, je crois que c'était des flashs, en fait. Des flashs comme un flash d'appareil photo, mais assez intense. Très bien, Britnecker. Oui, alors je profite de ce que vient d'expliquer Fabien Quéré pour rebondir sur ce qu'il a expliqué est parfait pour comprendre pourquoi la lumière laser est si particulière comparée à la lumière ordinaire. Parce que si, par exemple, vous prenez une salle noire, que vous allumez une lampe classique, vous allez éclairer toute la salle. Alors que si vous allumez un laser dans une salle noire, ben finalement, la salle va rester noire et il y aura seulement un petit spot dans un coin qui sera éclairé par le laser. Et la raison derrière tout ça, c'est ce que Fabien a décrit quand il dit que la lumière est amplifiée dans un système de rétroaction. C'est-à-dire qu'il faut imaginer deux miroirs l'un en face de l'autre, dans lesquels la lumière peut faire des allers-retours. Et à chaque aller-retour, à chaque passage entre ces deux miroirs, la lumière est amplifiée par les atomes qui sont situés entre les miroirs. Et donc, tour après tour, le travail que réalisent les atomes, c'est de produire de nouveaux photons identiques aux photons de départ. Et donc, le miracle de la lumière laser, c'est qu'au bout du compte, après de nombreux allers-retours dans cette cavité, entre ces deux miroirs, on se retrouve avec un nombre considérable de photons qui sont tous identiques. Quand on fait de la lumière classique, on arrive péniblement à l'extrême, à mettre un photon dans un mode de rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire pour de la lumière qui va dans une direction, avec une couleur, un état de polarisation. Alors que même quand on a un petit laser qu'on peut acheter moyennant 10 euros et qui marche sur pile, eh bien on a 10 puissance 12 photons qui sont identiques. On a un million de photons identiques. Et donc c'est un peu comme l'image de gamin dans une cour de récréation qui d'un côté court dans tous les sens et qui dans l'autre côté, au coup de sifflet de l'instit, quand tout se passe bien, sont en rang et vont tous dans la même direction. Et c'est ça qui explique toutes les applications du laser, c'est le fait qu'on ait tant de photons identiques dans la cavité, qu'on peut concentrer de diverses manières, soit spatialement, soit en puissance, soit en longueur d'onde, et c'est ça qui donne lieu à toutes les applications. Et on peut décliner toutes les applications du laser à partir de cette idée-là. Fabien Quéré, effectivement, c'est la différence, c'est aussi la raison pour laquelle la lumière, quand elle n'est pas dirigée, émet une lumière dite blanche, parce qu'elle émet sur toutes les longueurs d'onde, alors que la lumière du laser, elle va être concentrée sur une longueur d'onde précise, qui va aussi expliquer les différentes couleurs du laser. Oui, alors ça, c'est un point intéressant, parce qu'en fait, justement, moi, pendant mes études, par exemple, en physique, on m'a appris effectivement qu'un laser, c'était une source très monochromatique, c'est-à-dire qu'il délivre une lumière d'une couleur bien précise, très précise. Et en fait, aujourd'hui, moi, dans mon travail, j'utilise justement des lasers qui ne sont pas du tout monochromatiques. D'accord. On peut même faire aujourd'hui des lasers qui délivrent une lumière blanche. Donc en fait, ça, je dirais que c'est pas vraiment une caractéristique du laser, enfin, de mon point de vue. Puisque, en fait, on sait faire, comme vous l'avez dit en introduction, des lasers très courts qui délivrent des flashs de lumière. Et pour faire des flashs de lumière, eh bien, il faut avoir beaucoup de couleurs, beaucoup de fréquences. C'est le principe d'incertitude, temps-fréquence. Et donc, voilà, je dirais que l'aspect monochromatique, c'est pas une vraie caractéristique du laser, en fait. Alors, ça n'est pas une vraie caractéristique du laser, je me retourne vers vous, Fabien Breitnacker, néanmoins, parce qu'il y a différentes techniques aussi d'obtention du laser. On peut exciter différents types d'atomes pour obtenir des lasers, et ça va aussi diversifier énormément la qualité du laser que l'on obtient oui. à la fin. Alors, effectivement, donc il y a toute une zoologie de milieux amplificateurs qu'on utilise pour construire un laser, qui peuvent être effectivement des gaz, qui peuvent être des liquides, qui peuvent être des solides, dans lesquels des impuretés vont amplifier la lumière. Et après, il y a toute une zoologie de façon de pomper le milieu, c'est-à-dire une façon de fournir l'énergie pour mettre les atomes dans l'état qui va leur permettre d'amplifier la lumière par émission stimulée. Donc il y a des lasers dans lesquels le pompage se fait optiquement, par des lampes flash ou par d'autres lasers. Et puis il y a les lasers les plus courants aujourd'hui, qui sont des petits lasers à semi-conducteurs, où le pompage se fait de façon électrique. Et donc là, c'est simplement un courant qui passe dans un semi-conducteur, qui crée des porteurs de charge qui, en se recombinant, vont émettre de la lumière. Donc il y a toute une zoologie en termes de milieu actif et de milieu et de façon de pomper le système. Et il y a toute une zoologie, un peu comme le disait Fabien, sur la façon dont on peut concentrer la lumière. Parce qu'effectivement, il y a d'un côté l'image que vous évoquiez du laser monochromatique, où là, on voit qu'on va concentrer les 10 puissance 12 photons en les mettant tous à la même couleur, à la même longueur d'onde. Donc ça, c'est typiquement le sujet de tout à l'heure, c'était ça. C'était, on fait un laser de 300 watts qui émet 300 watts en continu. Et donc là, tous les photons ont la même longueur d'onde et vont dans la même direction. Et il y a aussi l'image que mentionnait Fabien, où au lieu de concentrer tous les photons dans le domaine des fréquences, on concentre tous les photons dans le domaine temporel. Donc c'est un peu la transformée de Fourier du cas précédent, pour parler de façon un peu technique. Donc là, on concentre tous les photons dans le temps. La cohérence spatiale ou la cohérence temporelle, si je résume à peu près Fabien Quéré? Oui, alors bon, ça c'est des notions assez compliquées. D'accord. Mais on va dire que... dire un mot. N'ayons pas peur d'essayer de les définir. Oui. Alors disons peut-être pour parler de façon plus qualitative. Mm-hmm. Moi j'aime bien dire qu'en fait finalement c'est un peu un abus de langage, mais la lumière laser c'est une lumière que j'appellerais ordonnée. En fait, par rapport à la lumière naturelle. Et une image que j'aime bien, parce que la lumière est une onde, hein, c'est un champ électromagnétique qui oscille. Donc on peut faire une analogie avec d'autres ondes. Et donc par exemple, on peut parler des vagues à la surface de l'eau. D'accord ? Et si vous voulez, la lumière laser, quelque part, ce serait un peu comme une belle houle bien régulière. Alors que la lumière naturelle, qui vient des lampes qu'on a autour de nous, ce serait plutôt comme du clapot. Vous voyez, une journée de mer agitée avec des vagues un peu désordonnées. Voilà. Donc, c'est ça qu'il y a derrière la notion de cohérence. D'accord? Et donc, je dirais une caractéristique essentielle de la lumière laser, c'est la cohérence qu'on appelle transverse. C'est-à-dire, en différents points d'un faisceau laser, la lumière oscille de la même façon. Après, en temps, le comportement peut être assez varié. Comme disait Fabien, soit une belle onde monochromatique qui dure très longtemps, soit des flashs très brefs. Voilà. Ce sont les deux applications qu'on va détailler au cours de cette heure. Peut-être un mot toujours sur la partie historique, puisqu'on entendait dans cette archive le fait que la France était à la pointe de la technologie de laser en 1966. Il y a une école bretonne du laser, Fabien Breitnacker, notamment à Lannion, où il y a eu des recherches qui ont été longtemps des recherches de pointe et qui aujourd'hui produisent encore de la recherche fondamentale intéressante. Oui, tout à fait. Alors en fait, le point de départ de ce centre de Lannion, c'est le CNET, c'est le Centre National d'Études des Télécommunications. Et il y a eu, alors je ne sais plus exactement de quand ça date, mais je dirais des années 70, il y a eu une volonté, entre guillemets, de désenclaver le Trégor à cette époque. Et on est allé, alors à l'époque tout cela était public, donc ça permettait de faire preuve de volontarisme politique, n'est-ce pas? Mm-hmm. Et donc on est allé planter au bord de la mer, au milieu du granit rose, un centre de recherche de pointe sur les télécoms. Et ça a été une des raisons pour lesquelles, encore aujourd'hui, même si entre-temps France Télécom a été privatisé, Lannion reste un centre important dans le domaine de la photonique, oui, en effet. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h20 dans la méthode scientifique, nous parlons du laser tout au long de cette heure en compagnie de Fabien Breitnacker et de Fabien Quéré. Alors il serait fort laborieux de lister l'intégralité des applications et des utilisations de la technologie laser aujourd'hui. Je le faisais brièvement et plus sous forme de clin d'œil que d'autre chose dans l'introduction de cette émission. On s'en sert en métrologie, en chirurgie de précision. Le laser sert également à scanner vos produits à la caisses de votre supermarché. Il sert également à la transmission d'informations et j'en passe. On peut peut-être néanmoins signifier que les deux principaux usages, et je parle évidemment sous votre contrôle, Fabien Breitnacker et Fabien Quéré, c'est avant tout les télécommunications, la transmission de données et le micro-usinage. Alors, si, en termes de marché, c'est clairement le marché des diodes laser qui est le plus important aujourd'hui, même s'il s'agit des lasers les moins chers. Ça veut dire qu'on en produit vraiment beaucoup. Et effectivement, ce qu'il y a là derrière, c'est toutes les applications du laser qu'en fait les gens ne voient pas, puisque ça se passe dans les réseaux de télécom. Et là, ce qui est mis en œuvre principalement, c'est la cohérence spatiale du laser. C'est-à-dire le fait que, pour transmettre de l'information de façon efficace, il faut la propager dans une fibre optique. C'est-à-dire il faut être capable de mettre une puissance de lumière assez importante dans le cœur d'une fibre optique qui fait quelques microns de diamètre. Et ça, impossible de rentrer de la lumière là-dedans avec une lampe classique, parce qu'on ne va pas pouvoir focaliser la lumière sur une taille et selon un angle qui va bien pour rentrer dans la fibre optique. Donc là, le laser est vraiment un des outils principaux de la révolution de l'information qu'on vit aujourd'hui. Et c'est la même idée, un petit peu, de la cohérence spatiale qui permet de focaliser le laser dans les affaires d'usinage. Donc là, c'est l'exemple qu'on a entendu tout à l'heure, hein, c'est l'exemple le plus classique. Là, c'est simplement le fait de pouvoir concentrer le plus d'énergie possible sur une petite surface. Alors si je peux me permettre, il y a toujours dans les lasers, ce qui est amusant, c'est qu'on peut toujours regarder les choses de deux façons. C'est-à-dire là, on peut les regarder du point de vue de la concentration de la lumière dans l'espace. Et puis concentrer la lumière dans l'espace, c'est pas forcément focaliser la lumière sur une petite surface. Ça peut être aussi envoyer de la lumière de façon très collimatée, de façon à propager la lumière sur de longues distances sans qu'elle s'étale plus que ce que permettent les lois de la physique. Et ça, ça a aussi des tas d'applications. Par exemple, depuis plus de 45 ans, il y a des gens qui s'amusent, entre guillemets, à envoyer des impulsions de lumière sur la Lune. Sur la Lune, les Soviétiques à l'époque et les Américains, enfin les États-Unis, ont posé des catadioptres, hein, des plaques de rétroréflecteurs qui font à peu près un mètre carré. Et donc, il y a des gens qui envoient des lasers à travers des télescopes sur la Lune. Donc la Lune, elle est à 400 000 km, hein, la lumière met à peu près une seconde pour arriver sur la Lune, une seconde à revenir. Ce sont des impulsions lumineuses, donc on peut compter le temps que met la lumière à faire un aller-retour. Et avec ça, on mesure la distance Terre-Lune. Et aujourd'hui, on parvient à mesurer la distance Terre-Lune avec une précision meilleure que le centimètre. Alors, c'est pas juste un tour de force pour le fun, hein. Ça a des tas d'applications déjà pour comprendre la mécanique céleste et puis aussi pour tester les théories de la gravitation. Donc là, je lisais ce matin, là, parce que ce matin, j'ai 3 heures de surveillance d'examen, donc j'ai eu le temps de réviser. Je lisais ce matin un article qui date de 2018, où les gens ont testé la relativité générale d'Einstein, encore récemment, de façon meilleure qu'avant, disons avec des précisions meilleures qu'avant, simplement en compilant 45 ans de mesures de distance Terre-Lune et d'évolution du système Terre-Lune-Soleil en prenant en compte des dizaines d'astéroïdes autour. Donc les lasers, ça sert aussi à ça. Et ça, c'est possible à la fois parce qu'on peut concentrer la lumière dans le temps pour émettre des impulsions et parce qu'on peut la concentrer en direction pour qu'il en reste quelque chose après les 800 000 km d'aller-retour Terre-Lune-Terre. La puissance et la distance, et c'est grâce justement à cette métronomie lunaire que l'on se rend compte que la Lune s'éloigne de nous de quelques centimètres par an. Tout à fait, 3,6 centimètres si ma mémoire est précise. Alors on va dans la suite de cette émission s'intéresser au dernier développement de la technologie laser dans différents domaines de recherche. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour à vous, vous êtes intéressé aux avancées sur l'accélération de particules à travers un plasma. Oui, je me suis rendu au laboratoire d'optique appliquée de l'école polytechnique où j'ai rencontré Victor Malka qui est directeur de recherche CNRS et qui développe avec toute son équipe des accélérateurs laser plasma. Ces lasers développés depuis les années 1990 sont de plus en plus performants et ont un champ d'application de plus en plus diversifié, comme vous allez l'entendre. Victor Malka nous explique donc comment fonctionnent ces lasers plasma et nous donne un petit aperçu de leurs applications possibles dans la santé, notamment dans le domaine de la recherche contre le cancer et dans les sciences des matériaux. Des accélérateurs laser plasma ont été développés au laboratoire d'optique appliquée et ils permettent de produire des champs électriques qui sont très très importants, 1000 fois, 10 000 fois plus importants que ce que l'on sait faire dans des structures actuelles, conventionnelles on va dire, et c'est ce qui en font leur intérêt. L'impulsion laser, quand elle se propage dans un gaz ou peu dense, elle va chasser les électrons, elle va ioniser les atomes. Donc ce qui va se passer, c'est que lors du passage de l'impulsion laser, dans le sillage de l'impulsion laser, il va y avoir une onde de sillage, un peu comme un bateau qui se propage sur un lac, crée une onde de sillage qui suit le bateau. La différence, dans le cas de notre expérience, c'est que ces ondes plasma vont se propager à des vitesses qui sont proches de la vitesse de la lumière. C'est pour ça qu'on appelle ces ondes des ondes plasma relativistes. Et quand on sépare Donc les électrons des ions ont créé des champs électriques et ces champs électriques longitudinaux sont très très intenses. Ils peuvent atteindre des valeurs de quelques centaines de gigavolts par mètre, c'est-à-dire 1000, 10 000 fois plus grand que ce que l'on sait faire dans un accélérateur conventionnel. Ici, c'est une des salles les plus impressionnantes où nous réalisons les expériences. Donc, le laser arrive à travers ce tuyau que vous voyez. Il est situé à l'étage au-dessus et il va être distribué dans les chambres d'interaction. Donc, nous avons la possibilité de faire trois expériences en parallèle, pratiquement. Et vous pouvez voir les trois salles d'expérience dans lesquelles nous faisons soit de l'accélération d'électrons, soit du laser X, soit des expériences plus applicatives dans cette ligne de lumière ici. C'est une salle qui fait environ 15 mètres sur 10 mètres de large, qui comporte des enceintes à vide parce que l'impulsion laser, une fois comprimée, ne peut pas se propager dans l'air. Elle est obligée de se propager sous vide parce que sinon, elle va commencer à se filamenter et on ne peut plus faire de l'interaction dans des conditions contrôlables. Donc ces cuves, ce sont ce qu'on appelle les enceintes à vide. Elles sont connectées par des tuyaux. Alors, le tuyau qui est vertical permet de transporter l'impulsion laser depuis le système laser qui est situé au niveau supérieur et il est distribué tout d'abord dans cette enceinte qu'on appelle le compresseur. Donc, il va permettre de réduire la durée de l'impulsion laser qui permet donc de passer d'environ 500 picosecondes à 30 femtosecondes en sortie du compresseur. Ensuite, l'impulsion laser, en fait, c'est les impulsions laser parce qu'il y a trois impulsions laser. Ben, ces impulsions vont passer dans cette chambre d'interaction dans laquelle on va distribuer le faisceau dans les différents systèmes expérimentaux et aussi qui nous permettent de caractériser sous vide certaines des propriétés de l'impulsion laser, comme sa durée, comme son front de phase, c'est-à-dire la qualité spatiale de l'impulsion laser. Au centre de l'enceinte, nous mettons donc un jet de gaz. C'est typiquement ce qui est utilisé pour produire des faisceaux d'électrons. L'impulsion laser est focalisée sur le jet de gaz, donc qui va être ionisé, qui va créer cette structure accélératrice et qui va produire le faisceau d'électrons qu'on va pouvoir accélérer. Alors on peut aussi produire des sources X et dans ce cas-là, on va jouer sur le fait qu'il est possible dans cette structure accélératrice de produire des champs électriques radio dans lesquels les électrons accélérés vont pouvoir osciller au cours de leur accélération et donc une particule chargée qui oscille produit du rayonnement X et donc c'est ce que l'on fait dans ces expériences. Maintenant, pour ce qui est des applications, il y a des applications sociétales qui ont été identifiées. Les accélérateurs servent dans beaucoup de domaines, notamment dans le domaine médical et la possibilité de faire des accélérateurs plus compacts, moins chers nous a motivé notamment pour regarder la possibilité de faire des faisceaux de protons pour la protonthérapie, des faisceaux d'électrons pour l'électronthérapie ou des sources X pour la détection de cancer du sein par exemple. Quand on est un béotien et qu'on voit cette salle-là, on ne voit pas forcément le lien entre ce type d'installation et par exemple un traitement oncologique, un traitement de cancer. Oui. Donc, traitement de cancer aujourd'hui, par exemple pour la protonthérapie, il existe une soixantaine de centres de protonthérapie dans le monde. Il y en a un à Orsay qui permet de traiter l'ensemble des tumeurs cancéreuses et puis un autre en France à Nice pour les cancers des yeux. Ces centres reposent sur des accélérateurs qui délivrent des faisceaux de protons à 200 MeV. Et ensuite, le faisceau de protons tourne ou non autour du patient à l'aide d'un bras isocentrique qui fait la bagatelle de 100-200 tonnes. On sait que la protonthérapie offre certains avantages par rapport à la radiothérapie et tout développement qui permettrait une réduction du coût serait un bénéfice pour les patients. Donc là l'expérience concerne l'augmentation de la source bêtatron. J'ai parlé tout à l'heure des électrons qui oscillent dans le champ laser qui permettent de produire des rayons X. Et donc, le but de cette expérience, c'est d'augmenter ce nombre de photons dans le domaine X et ensuite de les utiliser pour des expériences d'application. Et il va y avoir deux types d'applications. Première, c'est pour se vérifier que pour l'imagerie par contraste de phase, l'augmentation du nombre de photons qui normalement s'accompagne de l'augmentation de leur énergie est validée sur des expériences applicative avec l'image d'un objet. Et ensuite, la deuxième application, c'est pour des expériences qu'on appelle pompe-sonde. C'est-à-dire qu'on va chauffer un milieu, un cristal avec un laser, et on va envoyer ce flash X et on va faire de la diffraction sur ce cristal, et on va regarder comment la diffraction change au cours du temps, ce qui va nous donner des informations sur l'évolution ultra rapide de la structure cristalline qui a été chauffée. Donc des applications, je dirais, sociétales et des applications fondamentales dans tout ce qu'on appelle l'étude des phénomènes ultra rapides. Donc il y a beaucoup de choses très très intéressantes dans ce domaine-là. Voilà le reportage du jour sur ces lasers ou ces accélérations plutôt de particules à travers des plasmas. Une réaction peut-être à l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Fabien Quéré ? Oui, alors en fait, ça c'est effectivement un sujet de recherche très actif à l'heure actuelle dans pas mal de laboratoires dans le monde. L'idée c'est que pour accélérer des particules à très haute énergie, bon, il faut finalement deux choses. Il faut un champ électrique le plus fort possible et puis une certaine distance sur laquelle on maintient ce champ électrique pour faire gagner de l'énergie aux particules. Et donc c'est quand on veut aller à très haute énergie, ben on arrive à des très grosses machines comme le LHC, au CERN, grand collisionneur de hadrons. Voilà. Alors l'idée avec ces lasers là, bon, c'est que finalement on peut aussi voir le laser comme une machine à concentrer l'énergie. Alors avec les lasers traditionnels, on va dire continus dont on parlait tout à l'heure, on arrive à très bien la concentrer dans l'espace, d'accord ? Donc faire la mettre sur quelques microns. Voilà, et donc concentrer les faisceaux laser. Voilà. Mais ce qu'on sait faire depuis maintenant plusieurs dizaines d'années, c'est aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure, la concentrer en temps. D'accord ? Et donc ces lasers-là, c'est vraiment des machines extrêmes à concentrer l'énergie. Donc on les branche à la prise électrique sur le mur. une grosse prise électrique. Ouais, mais bon, avec voilà, c'est quelques kilowatts. Ouais. Mais elles vont concentrer l'énergie et finalement on va obtenir des flashs avec des puissances colossales qui peuvent atteindre la puissance d'un million de centrales nucléaires. Donc c'est vraiment énorme, mais sur des temps extrêmement courts. Et ces flashs-là, on n'en a que un tous les dixièmes de seconde, typiquement. Donc voilà, on a pris une source d'énergie continue, on a concentré l'énergie dans le temps. Ensuite, on sait concentrer ça dans l'espace, c'est l'optique traditionnelle, on focalise. Et donc là, on arrive à des flux d'énergie, vraiment par unité de surface, absolument colossaux. Quand on a des intensités de lumière très élevées, ça veut dire qu'on a des champs électriques extrêmement élevés. Donc l'espoir, c'est d'utiliser ces champs électriques qui sont considérables, c'est ce que disait Victor Malka, beaucoup plus forts que dans des accélérateurs traditionnels, pour pouvoir accélérer des particules sur des distances, cette fois très courtes, puisque ce qui compte, en gros, ça va être le produit champ électrique fois distance. Et là, on a des champs électriques beaucoup plus importants que dans un accélérateur conventionnel, donc peut-être qu'on pourra accélérer sur des distances plus courtes. Le problème, c'est qu'en fait, c'est un champ laser, et donc c'est un champ électrique qui oscille dans le temps extrêmement rapidement. Et ça, pour accélérer, c'est pas terrible, parce qu'on va accélérer la particule dans un sens, et puis quelques femtosecondes après, on l'accélère dans l'autre sens, donc on lui fait perdre son énergie, et on l'envoie dans l'autre direction. Et donc, si on veut résumer très globalement cette problématique de recherche, finalement, le problème, c'est de transformer un peu ces champs oscillants en champ statique, quasi statique, que la particule va pouvoir voir pendant un temps assez long. Ou en tout cas, enfin, voilà, faire en sorte que la particule voit un champ quasiment constant, alors qu'au départ, on a un champ qui oscille, même s'il est très fort. Que vous dites sur des toutes petites distances, c'est-à-dire à l'échelle... c'est un sujet où il y a eu des progrès vraiment spectaculaires dans les 15 dernières années, en particulier donc, au LOA, là, le reportage qu'on a entendu. Et le record actuel, on arrive à accélérer des électrons à des énergies de plusieurs gigaélectronvolts sur des distances de quelques centimètres. Alors, on n'inclut pas la machine laser, c'est la zone sur laquelle se produit l'interaction entre le laser et le plasma. Alors qu'avec un accélérateur conventionnel, il faudrait des centaines de mètres. Voilà. Donc c'est... Ça veut dire que si on arrive et si ça continue à progresser dans ce sens-là, on va pouvoir réussir à obtenir des puissances d'accélération de particules très fortes sur des distances beaucoup plus petites que celles que des grands accélérateurs de particules type LHC. C'est ça l'objectif. Bah, quelque part, on a déjà obtenu ces champs accélérateurs beaucoup plus forts que le LHC. Après, le problème qu'il y a aujourd'hui, c'est de réussir à le faire sur des distances plus grandes ou à encore augmenter ces champs pour aller éventuellement, ça c'est une perspective un peu lointaine, vers des énergies de particules similaire à ce qu'on a sur le LHC. Mais déjà, c'est déjà assez remarquable de réussir à faire des sources d'électrons accélérés comme ça. On fait aussi des protons accélérés de façon aussi compacte. Fabien Breitnacker, sur ce reportage et sur cette accélération à travers des champs plasma. Oui, alors ce qu'il y a de remarquable là-dedans, c'est tous les changements de paradigme qu'il y a dans le domaine des lasers, quoi. Parce que là, on voit donc ce que racontait brillamment Fabien Quéré, là, qu'on arrive à accélérer des particules sur des distances courtes. Et donc, ça ouvre tout de suite des applications, par exemple, dans le domaine médical. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui, en utilisant des particules accélérées, essayent de traiter des tumeurs ou des choses comme ça. Et jusqu'à présent, un des problèmes, c'est qu'il fallait avoir un accélérateur de particules sous le bras pour faire ça. Donc si maintenant on arrive certes moyennant des installations laser un petit peu lourdes, mais accélérer des particules sur des distances de l'ordre du centimètre ou du mètre, eh ben on peut imaginer des hôpitaux équipés d'installations comme ça pour traiter des tumeurs. Et ce qui est aussi, je vais changer un petit peu de sujet, si je peux me permettre, ce que ça évoque dans mon esprit, c'est ce travail sur les impulsions courtes, hein, donc là il s'agit d'impulsions femtosecondes principalement. Donc là, ce que nous dit ce reportage, c'est que ce domaine, il s'est construit dans l'histoire du laser sur l'idée de concentrer l'énergie dans le temps. Et donc, en fait, historiquement, hein, le laser, c'était avant tout des lasers continus que les physiciens avaient développés pour leurs propres besoins de spectroscopie, faire des mesures de fréquence. Et puis après, pour les utilisations, on s'est de plus en plus attaché à concentrer la lumière dans le temps pour faire des impulsions intenses. Et il y a des retournements de situation rigolos parce que dans les années 2000, on s'est rendu compte qu'en fait, une impulsion courte, du fait que c'était une impulsion qui contenait un très large spectre de fréquences, eh ben on pouvait retourner l'utilisation de ces lasers-là pour retourner vers la métrologie. Et en fait, aujourd'hui, on utilise ces lasers à impulsion femtoseconde du fait que ce sont des lasers qui contiennent plein de fréquences, des centaines de milliers de fréquences discrètes, toutes parfaitement contrôlées. Eh bien, ce sont aujourd'hui les lasers qui nous permettent de mesurer des fréquences optiques à partir de l'étalon de temps qui est l'horloge au césium, qui marche dans le domaine micro-ondes. Et donc, Hensch et Hall ont eu le prix Nobel en 2005 pour ça, pour avoir, entre guillemets, être revenus avec les lasers développés pour complètement autre chose, vers les obsessions primordiales des physiciens, qui sont de faire des mesures précises. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Son épaule est tatouée en 1986. Heureusement, grâce au laser en 2018, eh bien, son épaule peut redevenir vierge. C'est Étienne Dao dans la méthode scientifique sur France Culture, puisque nous parlons du laser et l'une des applications de la technologie laser est évidemment de détruire les tatouages qui deviennent malvenus avec le temps. On vous rappelle que néanmoins, ça marche pas si bien que ça et ça fait très mal par ailleurs. Et je ne parle pas en connaissance de cause. Nous parlons du laser et du laser dans la recherche fondamentale, notamment en compagnie de Fabien Breitnacker, qui est directeur de recherche CNRS, professeur attaché à l'École normale supérieure de Paris-Saclay, professeur chargé de cours à l'École polytechnique, et en compagnie de Fabien Quéry, qui est directeur de recherche au CEA, au laboratoire interaction dynamique et laser. On parlait tout à l'heure de l'école bretonne, de l'école de Lannion. On entendait dans le reportage de 1966 que la France était à la pointe de la recherche dans le domaine du laser. Et bien en France, il y a deux projets qui sont assez passionnants, notamment le projet Apollon qui est en construction à Saclay depuis 2006. Vous pouvez nous en dire un mot, Fabien Quéré? Oui, alors donc juste avant, on parlait de l'intérêt des impulsions courtes. Hein, donc Fabien a dit qu'il y avait un intérêt en métrologie. Il y a d'autres intérêts aux impulsions courtes, et donc dont j'ai déjà parlé, c'est le fait de concentrer aussi l'énergie. Et donc aujourd'hui, en fait, du fait qu'on arrive à concentrer l'énergie ainsi en temps et en espace, avec des quantités d'énergie modestes, c'est-à-dire quelques joules, quoi, dizaines de joules, c'est l'énergie d'une balle de tennis à 200 km/h à peu près. Donc d'un bon serveur, tout de même, ou d'une bonne serveuse de tennis. On arrive à atteindre des puissances qui sont vraiment considérables, comme je vous disais tout à l'heure. Donc si on regarde le flux d'énergie par unité de temps, on est à 1 million de fois la puissance d'une centrale nucléaire. Et ensuite, on concentre spatialement. Et donc là, on atteint des champs qui sont vraiment considérables. Donc pour vous donner une idée, aujourd'hui, on arrive à concentrer sur la taille d'un atome, donc en gros un angstrom, 10 kilowatts. 10 kilowatts de puissance qui arrive sur l'atome. Et donc là, on rentre dans des régimes d'interaction laser-matière qui sont vraiment complètement exotiques, où en fait les électrons dans la matière, sous l'effet du champ laser, vont pouvoir bouger quasiment à la vitesse de la lumière. D'accord. Et donc là, il se produit tout un tas d'effets extrêmement complexes. Et donc, c'est aussi ça qu'on utilise pour faire l'accélération de particules. Mais il y a toute une science fondamentale autour de cette interaction dans des régimes qu'on ne pensait pas pouvoir atteindre il y a, je dirais, peut-être une trentaine d'années. Quoi. Voilà. Et donc, ce projet Apollon, j'imagine évidemment qu'il a pour objectif de pouvoir observer un certain nombre de ces effets relativistes. Précisément, est-ce qu'il est... Il a initié en 2006, hein, c'est ça? Oui. Quels sont ses objectifs? Qu'est-ce que vous allez réussir à voir, à observer, à expérimenter grâce à ce projet, Fabien Quéré? Alors, il y a plusieurs aspects. Hein. Donc, bon, il y a d'autres projets comme ça à travers le monde. Il y a plusieurs laboratoires qui construisent des lasers dans ce qu'on appelle multi-pétawatts. Mm-hmm. Il y a un aspect technologique hein, aussi, qui est le fait de voir jusqu'où on peut aller en puissance laser. C'est vraiment un gros travail pour les spécialistes des lasers. On en parlait au début de cette émission, et avec les problèmes de résistance des matériaux qui s'appliquent. Il faut quand même avoir en tête que c'est des lasers, typiquement, où on va avoir un faisceau laser qui se propage sous vide, déjà, parce que si on le met dans l'air, il ionise l'air, et il s'abîme, lui, et qui va avoir un diamètre typiquement de 40 cm, à peu près. Donc, c'est pas des petits faisceaux lasers. Et donc, un intérêt donc, sur la technologie laser, explorer ce nouveau régime d'interaction laser-matière. Hein, finalement, un des intérêts du laser, c'est d'essayer de contrôler la matière avec de la lumière. Beaucoup d'applications du laser, ça revient à ça, même la soudure, quelque part, on peut dire, d'un point de vue plus concret. Et là, en fait, on va essayer de manipuler la matière en mouvement relativiste. C'est un nouveau régime, et voir à quel point on peut réussir à contrôler ce régime-là. Donc, il y a la perspective de faire des accélérateurs de particules compactes. Et puis, il y a des perspectives un peu plus futuristes. Là, on a encore pas mal de chemin à parcourir, où on va avoir des effets qu'on appelle d'électrodynamique quantique, mm-hmm. où, par exemple, on va pouvoir créer des paires de particules antiparticules, donc électrons, positrons, à partir d'un ensemble de photons. C'est des processus élémentaires d'interaction qui n'ont jamais été isolés vraiment en laboratoire. Voilà. Sur ces paires de particules antiparticules, j'en parlais au tout début. Vous l'avez dit, hein, il n'y a pas que la France, mais il y a d'autres pays qui ont des projets similaires. Alors j'évoquais la Chine parce qu'elle a communiqué il y a peu de temps sur son laser Station of Extreme Light, qui doit être prêt pour 2023, un laser de 100 pétawatts. Et je le disais, alors évidemment le titre est un peu sensationnaliste, mais qui promet de déchirer le vide. C'est assez intéressant. Est-ce que c'est de la science-fiction, ça? Parce que faut rappeler qu'en fait l'intérêt ou l'objectif, c'est de dire que avec ce type de laser, on pourrait défaire un couple particules-antiparticules, électrons-positrons, qui sont normalement les constitutifs du vide quantique qui se font et qui se défont, justement à l'échelle relativiste. Est-ce que ça veut dire qu'on va réussir à déchirer ce vide, c'est-à-dire à créer de la matière à partir de rien presque? Enfin bon. Ouais, alors c'est ce dont je viens de parler. Hein. Donc, effectivement, plein de photons qui se mettent ensemble pour créer une paire particule-antiparticule. Alors, les gens commencent à regarder dans cette direction. Pour être honnête, bon, il y a quand même une marche assez encore haute à passer, hein, puisque les théoriciens ont estimé que pour voir ce genre d'effet, il fallait des intensités lumineuses de l'ordre de 10 puissance 29 watts par centimètre carré. Aujourd'hui, c'est difficile de mesurer ces intensités. On estime que le record d'intensité, c'est aux alentours de 10 puissance 22 watts par centimètre carré. Donc voilà, vous voyez, 7 ordres de grandeur d'écart. Donc on a quand même une difficulté à résoudre. Voilà. Bon, il y a des, voilà, tout le monde cogite pour essayer de trouver des solutions, dans mon équipe y compris, et on espère qu'on y arrivera. C'est pour augmenter de cette intensité-là, ça veut dire quelles sont les pistes d'amélioration? Est-ce qu'il s'agit, comme on l'évoquait au début de cette émission, strictement de travail sur la technique, sur les matériaux, sur les miroirs? Comment est-ce qu'on peut gagner encore en puissance par rapport à la puissance? Parce que on vous aurait dit il y a 20 ans qu'on arrivait à 10 puissance 22. Voilà, alors c'est vraiment quelque chose qui mêle de la physique très fondamentale et des problèmes technologiques très, très concrets. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que ces lasers-là, si on cherche à augmenter leur puissance, au bout d'un moment, on finit par tout détruire, enfin les miroirs, tous les éléments qu'il y a dans la machine. Et donc, pour éviter ça, on est obligé de grossir le faisceau. Voilà. Donc après, il se pose des problèmes de budget aussi. Hein. Donc, un faisceau de 40 cm, c'est déjà assez important. C'est vraiment sur des problèmes de physique des matériaux, finalement. Alors bon, il y a des pistes. Les gens essaient de trouver des idées pour faire des lasers, induire des effets lasers ou des effets d'amplification dans des plasmas, qui sont déjà des milieux ionisés. Donc, il n'y a plus vraiment ces problèmes-là. Sinon, il y a l'idée, par exemple, d'essayer de comprimer encore temporellement. Donc, de transformer ces impulsions femtosecondes en impulsions attosecondes. Alors, en utilisant des plasmas, à nouveau. Donc, de passer à 10 puissance moins 18. Voilà. C'est ça? Ouais. Et éventuellement aussi de changer la gamme de longueur d'onde, aller vers des longueurs d'onde plus courtes pour pouvoir focaliser encore plus fort et réussir à aller vers ces intensités. Voilà. Ça, c'est un des champs de la recherche fondamentale aujourd'hui dans le domaine du laser. Sur d'autres types d'applications, Fabien Breitnacker, le laser et la recherche dans le domaine du laser a permis, il y a quelques mois de cela, de détecter des ondes gravitationnelles. Et là aussi, il y a des recherches qui sont en cours pour pouvoir détecter de façon plus précise, pour avoir d'autres types de détecteurs, notamment dans l'espace, et pourquoi pas détecter là aussi une sorte de graal de l'astrophysique qui serait les ondes gravitationnelles initiale. Oui, alors donc avant de je vais juste dire un mot peut-être pour les auditeurs sur la façon dont on détecte les ondes gravitationnelles en utilisant des lasers. Et là, c'est un peu l'exact opposé de ce que racontait Fabien Quéré sur les impulsions courtes, puisque là, on doit utiliser des lasers les plus monochromatiques possibles. Et donc un laser et utiliser la cohérence temporelle de ces lasers. Donc ça veut dire qu'en gros, il faut être capable d'émettre une onde électromagnétique, parce que la lumière est une onde électromagnétique. Donc il faut imaginer un champ électrique qui vibre dans le temps et dans l'espace au fur et à mesure que se propage la lumière. Et la cohérence temporelle, c'est un faisceau parfaitement cohérent. C'est un faisceau dont l'onde émise est parfaite. C'est-à-dire il n'y a pas d'erreur dans la sinusoïde qui est émise. Donc on peut utiliser ça un petit peu comme une règle. Hein. En gros, quand on fait une mesure de longueur avec une règle, on a un double décimètre qui fait 20 cm de long. Et puis on a des graduations tous les millimètres, et quand on a de bons yeux et qu'on est bien réveillé, on arrive en gros à estimer l'intervalle entre un dixième de ce qu'il y a entre deux graduations. Donc on est capable de mesurer 20 cm avec une précision de 0,1 mm. Donc si maintenant on a un laser qui est parfaitement cohérent sur des distances très longues, plusieurs kilomètres, eh bien on va pouvoir mesurer donc des distances de plusieurs kilomètres avec une précision qui va être une fraction de la longueur d'onde du laser. C'est ça qui joue le rôle des traits de la règle. Et la longueur d'onde du laser, c'est plutôt un micron. Donc c'est comme ça qu'on mesure des ondes gravitationnelles, en fait. On envoie un laser très cohérent dans deux directions spatiales orthogonales, et on leur fait parcourir plusieurs kilomètres, on les fait revenir après qu'ils se soient réfléchis sur un miroir, et on compare les deux vibrations. C'est le principe de l'interférométrie. Et grâce à ça, donc j'ai quelques chiffres sur un bout de papier pour pas me tromper, on est capable de détecter des variations relatives de longueur de 10 puissance moins 21. Et c'est ça qu'on a détecté en 2015 en détectant la coalescence de deux trous noirs. Donc ça se fait avec des interféromètres dont les bras font 3 km de long. Donc ça veut dire que on a une variation de la distance relative d'un bras de l'interféromètre par rapport à l'autre de l'ordre de 10 puissance moins 18 mètres, c'est-à-dire 10 moins 12 d'une longueur d'onde. Mmh. Et c'est ça que les gens ont réussi à faire il y a un an et demi, là, maintenant. Alors, les projets à l'avenir, c'est d'augmenter la longueur des bras. Donc il faut aller au-delà du kilomètre. Et donc pour faire ça, il va falloir quitter la Terre. Et donc il y a un projet qui s'appelle LISA, qui est soutenu par l'Agence spatiale européenne et par la NASA, qui va consister à lancer 3 satellites dans l'espace sur une orbite autour du Soleil, une orbite héliocentrique. Donc les 3 satellites vont suivre la Terre, en gros, dans sa rotation. Et ils vont être situés à 3 points de façon à former un triangle équilatéral de 2,5 millions de kilomètres de côté. C'est plus qu'un kilomètre. Oui, oui, c'est beaucoup plus. Alors, en fait, la sensibilité ne va pas être meilleure. Mais l'avantage de travailler sur des plus grandes longueurs hors du temps, c'est qu'on va pouvoir observer des phénomènes beaucoup plus lents. Et donc, on va pouvoir observer des phénomènes qui se passent sur des échelles de temps de l'ordre de l'heure, alors que les événements comme les coalescences de trous noirs qu'on a observés sur Virgo et LIGO se passent plutôt sur des échelles de temps de l'ordre de la milliseconde. Donc, en fait, c'est ça la nouveauté. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que dans les interféromètres qui sont sur Terre, on n'a que 3 km, mais on fait des cavités dans chacun des bras de l'interféromètre. C'est-à-dire qu'on oblige la lumière à faire non pas un aller-retour dans chaque bras, mais un millier d'allers-retours, quelque chose comme ça. Donc en fait, artificiellement, on augmente la longueur. Donc en fait, le projet LISA, il vise plus à déplacer la bande passante, les temps caractéristiques des phénomènes qu'on observe, que vraiment à améliorer la sensibilité. Et de supprimer par ailleurs tout un grand nombre d'interférences que l'on peut avoir en étant sur Terre, que l'on imagine qu'elles soient autant de la route d'à côté que des mouvements tectoniques, enfin bref. Oui, quand on lit les communiqués de l'ESA, leur discours c'est qu'ils ont créé dans l'espace l'endroit le plus calme de l'univers. À l'intérieur de leur satellite. Bon, on arrive dans les dernières minutes de cette émission. On pourrait parler, puisqu'on parle de l'espace, on pourrait parler aussi de la recherche en laser qui va accompagner les prochaines missions martiennes pour aller gratter la surface de Mars, pour aller faire de la spectroscopie optique. Vous pouvez nous en dire peut-être rapidement un mot. Oui, ça c'est déjà une réalité. C'est une technologie qui est utilisée de façon courante dans l'industrie. Bon, c'est un peu plus difficile à mettre en branle dans les missions spatiales, parce qu'il faut spatialiser tous ces équipements. Mais ça consiste à focaliser des impulsions laser sur un objet qu'on veut analyser, à créer un plasma, une fois de plus. Donc là, on est dans une énergie beaucoup plus faible que ce que décrivait Fabien Quéré. Juste assez de quoi créer un plasma excité. Et donc, on fait simplement le spectre de la lumière émise par le plasma pour trouver quelles espèces chimiques sont à l'endroit qu'on analyse. Donc c'est ça qui est envoyé sur Mars pour aller analyser les cailloux martiens. Et puis, une des grandes questions qui était posée, on va faire la boucle, on va boucler la boucle avec l'archive de 1966, c'est celle évidemment de l'armement. On a rêvé des gouvernements, des dirigeants, pour ne pas citer Ronald Reagan, ont rêvé de faire des armes laser qui pourraient s'inspirer de certaines grandes sagas de science-fiction. Aujourd'hui, finalement, où on en est, on est resté avec des balles à l'ancienne. Les armes laser, ça existe, mais c'est très expérimental, Fabien. Oui, oui. Il y a des développements d'armes laser, ça existe. Alors, je dois dire que pour s'y livrer, il faut être le pays qui a des moyens infinis dans ce domaine, c'est-à-dire les États-Unis. Et en fait, il y a des tas d'autres applications militaires du laser, mais qui ne sont pas des applications de destruction, qui sont plus des applications de capteurs, de senseurs, d'imagerie. Dans ce qu'on en entendait dans le sujet tout à l'heure, les personnes fabriquaient un laser dans l'infrarouge moyen, à 10 microns, en disant qu'une utilité, c'est que l'atmosphère est transparente à ces longueurs d'onde-là. On utilise ça aujourd'hui, non pas pour faire des télécoms, comme c'était mentionné dans le sujet, mais pour faire de l'imagerie active à travers l'atmosphère. C'est-à-dire on éclaire la scène avec un laser à 10 microns et on a des caméras à ces longueurs d'onde-là pour faire de l'imagerie, pour faire des images. Et ça, c'est une application militaire majeure des technologies laser. Et à 16h52, comme chaque mercredi, il est temps de passer au futur de la recherche des étudiants ou des étudiantes qui viennent nous raconter sur leur sujet d'études, leur sujet de travail et de recherche. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Antoine Jandet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en deuxième année de thèse à Paris-Saclay dans le cadre de Ondes et Matières en partenariat avec le laboratoire Interaction Dynamique et Laser, PHI et l'Université Paris-Sud. Bienvenue à la recherche Montre en Main, c'est à vous. Merci beaucoup de m'accueillir dans cette émission. Alors j'imagine que comme beaucoup d'enfants, vous avez un jour de grand beau temps cherché à enflammer une brindille à l'aide d'une loupe et du soleil. Vous avez peu de succès pour ne rien vous cacher. Vous avez peut-être compris à cet instant que vous étiez en fait en train de concentrer un maximum d'énergie en un tout petit point pour allumer un feu. C'est entre autres ce que font les physiciens des lasers ultra-intenses qui souhaitent eux manipuler d'une façon contrôlée les particules élémentaires qui constituent la matière. Malheureusement, on ne peut pas se contenter du soleil et d'une loupe pour nos expériences, ce serait un peu trop facile. On utilise un rayonnement laser d'énergie relativement faible, qu'on comprime en plus de comprimer dans l'espace, qu'on comprime dans le temps, sur dans l'échelle de quelques femtosecondes. le tout pour produire une puissance sur la cible de quelques centaines de terawatts, voire du pétawatt en ce moment. Un pétawatt, c'est 1 million de réacteurs nucléaires qui fonctionnent en même temps. Il est possible de tirer sur différents objets, différentes cibles, qu'ils soient solides ou gazeux. Nous, dans notre laboratoire, on utilise plutôt des cibles solides, qui sont en fait des simples morceaux de verre. Tirer sur ces cibles accélère les électrons instantanément à la vitesse de la lumière. En quelques mots, cette interaction laser-matière permet d'en apprendre un peu plus sur la dynamique microscopique de la matière, de fabriquer des accélérateurs de particules ultra-compactes et pourrait aussi permettre des progrès en médecine ou en biologie. J'aimerais préciser que le laser ultra-intense n'est pas là pour nous, n'est pas une boîte noire pour nous, avec un gros bouton rouge qu'on pourrait presser facilement. Pour nous, le laser ultra-intense, c'est une grosse machine de la taille d'un petit terrain de basket, composée de miroirs, de cristaux, de lampes flash, de grandes lentilles, le tout parfaitement synchronisé ensemble. Donc c'est un instrument à la pointe de la technologie qui est en développement très rapide en ce moment en France notamment. Et comme je vous l'ai déjà dit, le but de cette machine, c'est d'accumuler le plus d'énergie possible dans un très court flash laser qu'on envoie en rafale sur notre cible. Le problème, c'est qu'en réalité, ces impulsions laser présentent souvent quelques imperfections à cause de problèmes thermiques ou bien parce que le système est légèrement désaligné. Ça nous ennuie un peu parce que certains photons peuvent ne pas arriver directement sur la cible au même endroit ou alors ne pas y arriver de manière synchronisée. Heureusement, aujourd'hui, on a quand même des techniques pour prévenir ces problèmes. C'est un peu plus compliqué quand les photons, par exemple, arrivent à côté de la cible et pas synchronisés, et de façon pas synchronisée. Donc c'est ce qu'on appelle les couplages spatio-temporels. Et ces couplages spatio-temporels ont un effet assez important sur la puissance réelle au foyer du laser, même s'ils sont très faibles. Donc ça induit donc un décalage entre ce qu'on pense faire en expérience et ce qu'on fait réellement. C'est un peu, si je peux utiliser une image, c'est un peu comme si vous vouliez réaliser une réaction chimique en ne maîtrisant pas totalement la quantité de réactif que vous mettez au départ, ce qui conduit à un résultat un peu aléatoire à la fin. Donc c'est là qu'intervient la métrologie, qui est en recherche ou dans l'industrie, la science de la mesure. La métrologie permet de réduire notre incertitude sur ce qui est physiquement en train de se passer au foyer du laser. Indirectement, elle permet aussi de se servir des informations fiables et de les obtenir pour corriger des anomalies ou des artefacts. Moi, pendant ma thèse, je m'occupe uniquement de la première partie, c'est-à-dire mesurer ces couplages spatio-temporels. Et donc mon travail au sein du CEA et de l'entreprise Amplitude, durant cette thèse CIFRE, consiste à mettre au point ce dispositif. Donc c'est un diagnostic qui est de la taille à peu près d'un four à micro-ondes, qui est composé d'un jeu de miroirs et de caméras, et qu'on peut placer sur le laser, qui prélève une partie du laser et qui nous donne l'information qu'on recherche. Donc on a testé ce dispositif sur plusieurs lasers au CEA, chez Amplitude, ainsi que sur un laboratoire partenaire Bella, en Californie, qui est un des lasers les plus puissants actuellement. Donc voilà, à part l'élaboration de cet instrument en tant que tel, je travaille aussi beaucoup sur la programmation du logiciel qui l'accompagne pour traiter les données brutes et obtenir l'information que l'on recherche, c'est-à-dire l'image fidèle du faisceau en 3 dimensions. J'aimerais ajouter, outre ces aspects techniques, que j'apprécie particulièrement de pouvoir être tous les jours en contact avec des chercheurs du CEA ou des laboratoires partenaires et des ingénieurs d'Amplitude, par exemple, qui travaillent sur ces sujets, qui aident les doctorants et qui permettent de faire avancer la recherche. Merci beaucoup, Antoine. J'en ai un mot, Fabien Quéré, puisque j'ai bien compris, c'est l'un de vos étudiants dont vous suivez les travaux. Oui, alors peut-être un mot juste pour raconter un peu l'histoire de ce sujet. Rapidement, en un mot, parce qu'on est à la fin de l'émission. C'est un sujet qu'on a commencé il y a 6 ans, et initialement on pensait mettre 6 mois pour faire ces mesures, c'est finalement regarder le laser sous une nouvelle perspective qui n'avait jamais été utilisée. Et voilà, ça a pris plus de temps que prévu, mais on y arrive enfin. Merci beaucoup à tous les trois en tout cas. Merci Antoine Jandet, merci Fabien Quéré, merci Fabien Bretnecker. Je rappelle que vous pouvez vous procurer Le Laser 50 ans de découverte, qui est un ouvrage que vous avez coordonné aux éditions EDP Science. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Mathieu Lefrançois, Antoine Beauchamp, Céline Lozen, Noémie Leguet de Saint-Ville-France, Sarah Hijmans, Elisabeth Miro à la réalisation, Jacques Hubert à la technique. Dans un l'instant, c'est le troisième épisode de la série documentaire En séance, étape d'une psychanalyse de Virginie Bloch-Lenné et Clotilde Pivin. Tout à l'heure à 18h20 dans Du grain à moudre, Hervé Gardette se demandera s'il y a un problème de représentation des Noirs dans les médias, puisque c'est une journée spéciale aujourd'hui sur l'antenne de France Culture pour les 50 ans de la mort de Martin Luther King. Et pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous parlerons d'une femme scientifique dont les travaux pourtant essentiels ont été totalement phagocytés à tel point que le prix Nobel lui a échappé au profit d'un homme. Il sera question de l'histoire de Rosalind Franklin demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.